emporté face au paysage. Aïe, au sac, la camp, plein visage. Debout tout seul sur une plage, je me souviens encore de l'image. Les vagues accostent le rivage, le soleil tourne la page. Les coquillages font naufrage, la nuit engloutit les nuages. Au fil des âges, c'est dommage. J'ai le même horizon, j'ai pas besoin de mémoriser. J'avais le report de toute façon, c'est la nuit. Je marche avec mon Discman, j'ai la tête rabaissée pour apprécier mon beatman. C'est ce beat-là qui me dit d'avancer, mais pour où aller? Sur une longue rue déserte, la route est mal éclairée. La pluie tombe dans la rue, mais je l'entends comme un saut. Tout seul avec mon rythme, j'avance à peine, mais pas son lot. J't'assis sur la chaise de mon bureau, une chandelle éclaire mes écrits, puis fait l'ombre sur mes travaux. J'travaille ma poésie, matin, soir, après-midi, fait que des jours se ressemblent, du lundi au samedi. Vers la fin d'été, vers le début de l'autre saison, j'ai ma clope, j'ai ma bière, j'suis à côté sur le balcon avec un ciel rose orangé. J'respire beaucoup. Je sais que c'est donc bon d'être vivant, pis j'suis même pas sous, sur un beat de piano. C'est chacun sa météo, juste poté dans mon monde ou au milieu du troupeau, écrasé. Sur un divan défriché, la fumée du tabac fait juste empester la santé. Je veux être sûr de m'encrasser pour pas être honnête peu, pis pour renaître sur le chemin de mon pouvoir noir. J'espère que je vais pas perdre vers le destin d'amour. Je me vois déjà dans un long tunnel sombre avec une lumière qui m'attend plus loin jusqu'au bout de mon ombre, jusqu'au bout de mon ombre.